que je les hais, ces femmes-là. Mais puisque je suis si peu agréable à leur compte, pourquoi n'en est-ce que le prince même et qu'il les laisse là ? Oh, elles sont persuadées qu'il ne vous aimera pas longtemps, que c'est un caprice qui lui passera et qu'il en rira tout le premier. Elles ont bien de la chance que j'aime Arlequin. Sans cela, j'aurais grand plaisir à les faire mentir, ces babillardes-là. Ah, qu'elles mériteraient bien d'être punies, je leur ai dit. Vous faites ce que vous pouvez pour faire envoyer Sylvia et pour plaire au prince. Et si elle voulait, il ne daignerait pas vous regarder. Pardi, voyez bien ce qui en est. Il ne tient qu'à moi de les réduire au silence. Voilà de la compagnie qui vous vient. Eh, je crois que c'est cet officier dont je vous ai parlé. C'est lui-même. Voyez la belle physionomie d'homme.